Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Chronique du Whaty Boss Volume 2. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée, les Chroniques du Whaty Boss Volume 2. Bienvenue à vous tous, comment ça va? On va être galant pour une fois. Excusez-moi les gars, on va être galant pour une fois. À mes côtés, Linda Sherazade, comment ça va? Ça va. Prends le contrôle un peu parce que c'est bon, on est jeudi soir. Ça va? Ça va, cool et tout. En pleine forme? Ouais, en pleine forme. Bon bah bienvenue, tu nous feras un live tout à l'heure. D'un de tes morceaux qui s'appelle Jeu d'école, qu'on découvrira tout à l'heure. Il y aura un gros freestyle de prévu. Donc Linda Sherazade, Charlie Bell aussi hier qui nous a ambiancé avec son magnifique titre. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Bah écoute, en pleine forme aussi. Voilà, après avoir été galant, je peux maintenant passer aux garçons qui sont là. Entre 20 et 21 dans l'émission, il y a Elio Petrodollar, il y a les Shinsekai qui sont là. Il y a Monsieur Abou de Beng, j'ai vu l'inso, puisqu'il faut dire l'inso maintenant. C'est bien ça? C'est bien ça qui est parmi nous. Biwa qui est parmi nous aussi. Yes, yes, yes. Faut faire, mais quand même, plus accueillir. D'accord, que ça, c'est vrai, tu as raison. Attends. Tu as raison, c'est vrai que j'ai annoncé ça comme... Comme si j'annonçais à bout de Bang, comme si j'annonçais à bout de Bang. C'est quand même BY, hein. C'est quand même BY. Alors, tu sais quoi, Abou, comme c'est toi qui me l'as proposé, je te propose de prendre ma place. Ah ouais. Ça c'est une des fins des animateurs radio. Okay. Comme il sait pas comment dire, il dit ah ben tu sais quoi. Voilà. Laisse-le, on va se débrouiller tranquille. Donc Abou de Bang, s'il te plaît, fais avec les formes comme il se doit. Qui est avec nous ce soir? Bonsoir BY. Bonsoir Abou, bonsoir Skyrock, bien tranquille. Comment vas-tu? Ça va très bien. On est très heureux de t'accueillir sur notre antenne. C'était réel plaisir. Je demande une ovation pour BY, s'il vous plaît. Bravo. Alors, faites pas normalement, Abou, tu devrais dire quand même un petit mot en disant voilà, BY, son parcours. Non, je vais dire maintenant. Voilà. C'est maintenant. Pardon. Et BY, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Tu es une nouvelle signature dans le label Whaty B, c'est ça? Ouais. Ça fait toute dernière signature. Quelques mois que tu as signé. Nouveau-né. Nouveau-né. Ouais, parle-nous un peu de ta signature, de ta rencontre avec Dawala, le label. Bon, combien tu gagnes, tout ça? Voilà. Je suis venu avec les contrats, donc parfait. Carrément, je suis la nouvelle signature, ça fait pas très longtemps, on est en contact depuis longtemps avec le Whaty B, c'est un gros dream comme ils disent. D'accord. Et voilà. Toi tu viens d'où alors, en petit CV express que t'as fait, ce qu'on peut déjà écouter de toi? Donc voilà, je suis d'origine grenobloise, ça fait 5 ans que j'habite sur Orléans, et j'ai fait mes premières mains là-bas, et j'ai taffé jusqu'à que un de mes clips tombe sous les yeux de Black M. Et il nous a contacté, le feeling est passé, et voilà, maintenant on en est là aujourd'hui. Et tout se passe bien jusqu'ici? Nickel pour l'instant. Nickel jusqu'ici. Abou de Bang, tu veux reprendre le cours de l'interview? Tu m'as coupé en fait. Excuse-moi. Mais bon, je te laisse. Tu as déjà des petites vidéos sur lesquelles on peut voir tes talents? Ouais, c'est ça. Bah, toute mon actualité, on peut la suivre sur BY officiel, Facebook et Twitter. Il y a toutes des vidéos, j'ai déjà fait des vidéos. Et est-ce qu'on te retrouve dans ce projet qui est les chroniques du Whaty Boss volume 2? Tu n'as pas écouté les chroniques du Whaty Boss volume 2? Je suis à la place de Fred. Ah d'accord. Okay. Mais j'écoute normalement. Non, ouais, j'y suis. Voilà. On m'a dit que c'était un feat avec Dr. Berries, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qu'on salue. Évidemment. Big up Berries. Ok, d'accord, ben on a hâte d'écouter tout ça. Et bon, on va découvrir tout ça ce soir. Yes. Sois le bienvenu en tout cas, BY, dans ce Planète Rap spécial Whaty B à l'honneur. Et les chroniques du Whaty B, ça va? Exactement. Bien. Je continue pendant que j'y suis là. Nous avons Dajou de The Shinsekai. Et son acolyte aussi qui est là. Qui est derrière, il est dans l'ombre. D'abord, on présente toujours l'un ou l'autre avant. Ah, pardon. C'est comme ça, c'est une technique. Ah, d'accord. Je reprends. Donc, nous avons Dajou de The Shinsekai. Ça en fait c'est sa nouvelle hymne, vous comprendrez. Comment allez-vous Dajou? Bah écoute, on pète la forme, mais tu sais quoi, il faut qu'on fasse deux, parce qu'en vrai devrait être lent. Ouais, c'est vrai que t'es un peu lent. Ok, on va gagner. Il y a des choses, c'est quoi? Il y a Tal, mon gars, sur Tal, c'est bien ou quoi, ma gueule? On est là, mon gars, sois souple et doux. Ok, un saut, c'est comment, mon gars, sûr? On est là, posé, on attend. Balancer billets faciles. Eh bien, on va balancer billets faciles juste avant ce qu'on va faire, parce que je reprends un peu le cours de l'émission. C'est vrai que t'es un peu long au démarrage, Abou. Je suis désolé. C'est la première. Moi, je te mens pas, je suis comme ça, j'ai le temps. Il est très bon. On va écouter ce qui s'est passé hier soir rapidement dans l'émission. Le petit zapping de l'émission d'hier soir, ça donne ça. Skyrock. Le replay. On va évidemment évoquer une grosse sortie pour le label Watibé, c'est la sortie de Masca, ça approche. Ouais, ça approche. Dans un peu plus d'un mois. Dans un mois. Le 20 octobre. 20 octobre. Le 20 octobre. Là, ça fait 3 ans que je travaille d'arrache-pied sur cet album. Mmh. On écoute, on se remet en question, on progresse. J'ai même pris des cours de chant pour pouvoir peaufiner le truc. Donc, est-ce que ce soir, on a, je sais pas, est-ce qu'on va apprendre quelque chose? Est-ce que ouais, tu es venu avec un petit cadeau ce soir? Ouais, toujours un petit cadeau, comme tu le dis. Hein. Là, on va faire plus une performance rap, très rap, avec Abou de Ben qui est là. Et c'est un morceau qui se trouve sur mon album Espace-temps. Il s'appelle Ying et Yang. Ying et Yang. Ouais. T'as déjà parlé au poste, hein. Sois gentil, ne me parle pas. Dans mon cœur, y'a du monde, hein. Et pour toi, y'a pas de place. Ouais, je sais, je me rabatte. Ouais, je sais, j'ai pas de barbe. Adama me le rappelle. Fais ça là, t'as pas le choix. J'ai pas tout donné, hein. Juste mon corps, mais pas de cash. J'y même pas, c'est pas grave. Mon succès t'embrassera. Dans mon rap, y'a pas de faille. Sur mon chemin, y'a pas de rail. Tout me ment, mon pote fall. Tu me mens, tu haute pas. Ouais, je me guille, on s'est connu en volant cette fille. Regarde qu'on a vécu, elle est pas violente cette vie. Descendre prêche en Italie. Remplir des zéniths. Ils savent pas qu'on est des frères avec ou sans la musique. Je les nomme sans la musique comme un virus nuisible. Ouais, sérieux, c'est easy pour nous faire des tubes ici. What you boss? Tiens, d'ailleurs, on va aller faire un tour dans la rue maintenant. On y était, on a été demandé aux gens ce qu'évoquait pour eux le nom Watibé. On écoute? Ouais, on écoute. Allez, c'est le son de la rue maintenant sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Attends, c'était sérieux? Et là, je pense. Je m'en direct sur Skyrock. Tout le monde écoute, c'est... ça rentre vite dans la tête. On s'ambiance bien avec, ça va. C'est jamais écouté, quoi. Pour l'été et tout, c'est cool. Je suis pas fan, mais j'aime bien, quoi. J'apprécie. Ils savent donner goût à tout le monde. Donc ils ont tout compris à la musique. Ah, le Fage et Joe revient sur la scène. Ah, ouais. C'est pas la section d'assaut, ça. Planet Rap. Ça y est, dans ton Marcel trop serré. Et par contre, soyons clairs, c'est fou ce que t'es teubé. Voilà ce qui s'est passé rapidement hier soir dans l'émission avec, en effet, pour conclure, le son de Charlie Bell, Pousse la Fonte, qu'elle nous a fait en live dans l'émission. On va repartir puisque je sais que vous l'attendez, le morceau Billet Facile. Ouais. Je pense que tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Le fameux son Billet Facile. Envoyez-le. Et tu peux pas le chanter même, tu peux pas chanter le truc. Tu connais non, pas le refrain. Je vais pas vous massacrer la sortie. Mais non, arrête, je vais pas arrête. Vous massacrer tout de suite. Allez, coup la d'envoi. Danse, moi, alors. La danse. Allez, c'est parti. Vas-y. Billet Facile. C'est dans Planète Rap et c'est sur les chroniques du Wati Boss, ouais, volume 2. Hey. Oh, ah. Le 15 septembre dans les bacs. Hey. On dit voilà Wati Boutique. Oh, ah. Ah, les chroniques du Wati Boss, volume 2. YB, BY, Nini. Congolais depuis en saut, je suis avant toi. Prêt à vendre la rack, pas pour un constat. Si je me trouve ici, tu n'es forcément nulle part. Certains pourraient se crever les yeux pour qu'on les regarde. Les bichos c'est des sapins, fin que tu les veux ça. Dans un sharing, depuis que t'as eu son WhatsApp. Petit canard, maman t'a appris à dire stop. Pour te voler le billet violet, bien sûr qu'elle frotte. C'est que c'est lady, ton homme, on va taser. Franchis ce cul, mes négros veulent damer. Tout est physique, ton cul, oui, tranque B. Faut que ça se finisse en soirée, Mayabé. Quoi que disent les gens. Sur mes gants placards, on est ensemble. Ambiancez-vous ce soir, billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ma chérie, l'argent te fascine. D'où viennent tes racines? Ton choix de vêtements m'assassine. Aïe, aïe, aïe. Les passants s'accadent. On rentre dans la ronde, c'est la malade. D'Abidjan à toi là. Partout dans le monde, c'est la malade. Congolais, expérience apologie. Je me sens voir comment la foule réagit. Avec le sexe opposé, on interagit. Agile, sont les miens, si Agadji. Minute, fais jamais demande à bad night. Si je rince, c'est que je peux passer une bad night. Quand Michael touche le ciel, sans mes air fly. Quand je vois Spike, tous mes amoureux de l'asphalte. Quoi que disent les gens sur toi. Voilà, t'as le pied gâté. Demain tu reprendras. Rendez-vous le 15 septembre dans les bacs, les chroniques du Wassi Bank. Yeah. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile. beau, je suis cauchemar de la famille. Je très bien que juste pour Caramo, je pourrais poser des bouteilles même si je tisse pas. On est où? Bien, bien, les montrer les petites sables. Dommage que la fin du mois soit écrase. Je ne sais guère ce que veulent ces petites tasses qui te la pour les schnecks. J'ai du whisky. Ma dégaine, le charisme et le style, ce soir, bien faire du boucan, surtout pas nard. Quoi que disent les gens, je sais qu'à la boutade, la boutade, la boutade. Plus rien à foutre, les petits B. PDG, PDG. On prendra ton tas. Mes soirs, c'était là pour t'ambiancer. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet ouais, facile. Comme tout le billet facile. Ce soir est le billet facile. Le billet facile. Le bang le billet facile. Allez, Dion, le billet facile. Tu vois le billet facile. C'est les Sénégal. Le billet facile. Paris a le billet facile. Bégao, Bégao. Le billet facile. Derrière le billet facile. Congo, Kinshasa, Brazzaville, Côte d'Ivoire. Ce soir, le billet facile à l'instant, c'est extrait du projet Les Chroniques du Watiboss volume 2 qui sera dans les bacs dès lundi et toujours en précommande évidemment. C'est ça, c'est ça. Tu veux ajouter quelque chose? J'ai envie d'enchaîner Dadjo. Direct sur les dates, direct. Ah, tu connais moi les très dates. Très bien, très bien, les dates direct par Dadjo, c'est avant parti. Avant qu'on oublie. Donc les dates, ça c'est pour la mini tournée des différents endroits voilà, où on va vous retrouver. Là où on va, là où vous allez aller. Watibé va se déplacer. Et chaque fois en plus, si les gens viennent avec l'album, ils repartent avec le t-shirt, avec c'est le ça t-shirt, hein. Comme d'hab. Ça c'est la signature du Watibé. Comme d'hab. Donc dès lundi, vous êtes où? Lundi, on est à la Wati Boutique à 16h. À 15h, pardon. À 15h. Ah bah, ça commence bien. On est à la Wati Boutique le lundi. Le 17, on est à Caen, à la boutique officielle Stade Malherbe. Le 19, on est à 16h, on est à Montpellier, à l'Odysseum. Le 20, à 16h, on est à Marseille, la Wati Boutique de Marseille. Le 24, à 16h, on est à Toulouse, Météorite. Le 26, à 17h30, on est à Bordeaux, California Dream. Europe. Et le 27, à 16h, on est à Never. Exactement. Fan de marque, les choses se passent là-bas. Ouais, ça se passe là-bas le 27 septembre pour retrouver les chroniques du Watiboss. Exactement. En live dans votre ville et vous repartez en effet avec t-shirt collector. Exact. Et pour tous ceux qui veulent pécho l'album en précommande, le lien iTunes est dispo sur tous nos réseaux sociaux. Allez-y, allez cliquer. Allez-y, partagez-le, cliquez, vous ne serez pas déçus. Bon, c'est une soirée chargée ce soir évidemment. C'est très chargé. On va découvrir des morceaux. Il y aura le live à pas louper tout à l'heure avec exactement. Linda et BY pour le freestyle. Il y a la roulette qui va tourner aussi. Inscrivez-vous, les toutes dernières places, ils sont en répétition en ce moment où je vous parle. Jay-Z et Beyoncé sont en France, ils sont au Stade de France. Vous allez pouvoir vivre ça évidemment tout au long de la journée sur Skyrock demain et choper les dernières places demain. Et d'ailleurs tiens, c'est dans Planet Rap qu'on vous filera les toutes dernières places pour le concert de Jay-Z et Beyoncé. Et alors là j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez vous inscrire dès ce soir pour la roulette de demain, puisqu'on va la faire évidemment, on pourra pas la faire aussi tard que d'habitude, on la fera pile poil au début de l'émission demain. C'est-à-dire que vous viendrez la faire tourner la roulette ici dans le studio. Venez la faire tourner dans le studio et repartez. On vous suivra d'ailleurs tout au long de la soirée jusqu'au moment où vous arrivez au concert. Si demain soir vous voulez assister au concert de Jay-Z et Beyoncé et faire tourner la roulette, rencontrer en même temps l'équipe des chroniques du Watiboss, faire tourner la roulette dans le studio. Nous aussi on veut des places. Pour les plaintes, ça arrive dans un instant. D'accord. J'ai fini ce que j'ai à dire. Donc inscrivez-vous dès maintenant et vous ferez tourner demain soir pour prendre les toutes dernières places. En live dans Planète Rap au début de l'émission. Inscrivez-vous au 41 759 avec votre prénom, numéro de téléphone. J'aimerais bien par contre qu'on fasse une espèce de petit quiz ou un petit examen de passage à BY qui est le petit dernier arrivé dans l'équipe du Watibé. Non, c'est plutôt vous, c'est à vous que j'ai posé les questions. Par exemple, des gens de questions, il faut qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe dans l'équipe du Watibé. Ouais, bien sûr. Donc par exemple, si je vous demande quel est celui qui arrive tout le temps en retard de l'équipe. Pour qu'il sache, BY, si un jour il a rendez-vous avec quelqu'un. Il y en a plusieurs. Linda, toi je sais que tu es sérieuse, Linda, vas-y. Ouais. Linda, quand tu dois enregistrer un morceau, qui est tout le temps en retard? Non, franchement, on est tous un peu en retard, mais après, voilà. Après, il y a ça. Après, il y a du retard et du retard. Voilà. Il y a les petits retards, les gros retards, après. Voilà. Qui est le plus gros dormeur de l'équipe du Watibé? Quand vous êtes en tournée, celui qui se lève le plus tard? Je sais pas. Il y a Haruna qui est pas mal, c'est le backer de Brian. Mais bon, c'est pas drôle vu qu'il est pas là aujourd'hui. Ouais, mais Haruna, c'est quand même un sacré dormeur. On peut pas le charger. On peut pas le charger, non. Avec qui il faut absolument poser un featuring pour BY? Docteur Berriz. D'ailleurs, il a un petit fit validé. Ça c'est fait déjà. C'est fait, validé. Donc ça, première étape, première épreuve, c'est réussi. J'ai vu d'ailleurs Docteur Berriz, il est dans le coin. Il est dans le coin. Je sais pas où est-ce qu'il est passé, mais il est dans le coin. Toi, Linda, qu'est-ce que tu pourrais ajouter aussi à BY? Deux, trois petits conseils, comme c'est la dernière signature du label Watibé. Je sais pas, franchement. Non, il est tout gentil, il est tout... Non, franchement, il est calme, donc t'as pas de soucis. Tranquille. Ouais, bah si j'avais un conseil à lui donner, les deux à bout d'ailleurs. Le travail, comme je dirais à tout le monde, le travail, avec ça de vrai. C'est ça, exactement. Toi, t'as quel âge, toi, BY? 20 ans. 20 piges. Ouais, 20 piges direct, quoi. Et il est fort, hein. Il est fort. Il est très, très fort, BY. Oh mon Dieu, qu'il est fort, ouais. Vous en aurez un aperçu tout à l'heure, mais il est très, très, très, très fort. Exactement. On pourra le découvrir en live. On va passer un morceau? Ouais. On va passer une exclue. Alors allons-y. La recherche du bonheur? J'ai envie d'en parler, même si je ne suis pas sur ce titre. Franchement, c'est un titre qui a été très, très, très bien réalisé. À la prod, c'est monsieur Double BP, BBP, qui est présent dans nos locaux aujourd'hui. C'est un beatmaker avec BBP. Qui on bosse. Mmh. Je crois que c'est Aboutal qui l'a rencontré en premier. J'étais un des premiers à travailler avec lui. Et c'est un morceau qui est beau. C'est un morceau qui est sincère et qui représente la jeunesse d'aujourd'hui. Je trouve, moi, en tout cas, il m'a parlé directement. J'ai même voulu poser dans ce morceau, mais on l'a dit, c'est trop tard. On m'a pas convié. Ah, je l'avais dans le cœur, tu vois. Mais en tout cas, c'est un très gros morceau à balancer immédiatement. Et bon, on le balance maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà entêté. Donc bravo, oui, déjà. Bravo. Les Watis soldats et soldates sont là. Comme d'hab, les Watis soldats. Ça fait plaisir. Vous êtes les meilleurs soldats. Et pour vous récompenser, exclu total maintenant. Exclu. C'est un son de The Shinsekai en feat avec Dr. Berriz et Linda Sherazade. Magnifique. Vous n'êtes pas prêts? BBP. Écoutez-moi bien, Aboutal est un génie. L'effort grandi dans Paris Nord. Si l'amour était borgne, tu m'aimerais ou mes torts, mes passions ou ma lèvre, une énième cigarette, mes faiblesses, ma force. Et souvent je résonne, au final j'ai mes torts. Et je cherchais le bonheur sans jamais sentir son odeur. Et j'ai compris au fil du temps qu'il est dans des choses simples. Je n'attends pas de sauveur, non, je n'attendrai rien des sauts. À chacun ses défauts. Je suis à la recherche du bonheur, sans jamais délaisser mon honneur. Ma foi en Dieu est mon seul moteur, pour enfin aller plus haut. Je suis à la recherche du bonheur, sans jamais délaisser mon honneur. Ma foi en Dieu est mon seul moteur, pour enfin aller plus haut. Mes peurs, ma foi, mes vices, mes larmes, mes erreurs, mes choix, ma vie. On dit souvent relativise, mais à ma place. Oh, dis-moi que ferais-tu? Peut-être que t'abandonnerais. Tu baisserais la tête. Oh, dis-moi, où se cache l'allégresse? Où se cache le bonheur? Loin des yeux, près du cœur. La musique. Oh, oh, je suis à la recherche du bonheur, sans jamais délaisser mon honneur. Ma foi en Dieu est mon seul moteur, pour enfin aller plus haut. À la recherche du bonheur, où est le bonheur, sans jamais délaisser mon honneur. Garde mon honneur. Ma foi en Dieu est mon seul moteur, pour enfin aller plus haut. Pour enfin aller plus haut. Le temps ne guérit pas les blessures, mais j'apprends à vivre avec. Linda. Je suis un être humain, je suis faible, mais je suis pas prête à tout pour plaire. Et si la chance est de mon côté, je n'aurai rien à perdre et tout à gagner. Je cherche du bonheur, c'est vrai, j'ai prétendu accepter. Je suis à la recherche du bonheur, sans jamais délaisser mon honneur. Je suis à la recherche du bonheur, sans jamais délaisser mon honneur. Jamais. Pour enfin aller plus haut. Je suis à la recherche du bonheur, sans jamais délaisser mon honneur. Ma foi en Dieu est mon seul moteur. Pour enfin aller plus haut. Pour enfin aller plus haut. Les chroniques du Wati Boss, le 15 septembre dans les bacs. Woo! À la recherche du bonheur. Docteur Bélis, Linda Scherzer. Je pense même qu'on peut applaudir pour cette prestation et ce morceau. La recherche du bonheur, les chroniques du Wati Boss, volume 2, avec Linda Sherazade, avec Shinsekai. Yeah. Docteur Beriz qui est là derrière. Docteur Beriz. On peut pas le louper, hein, tellement il y a John Café qui est là aussi. John Café aussi est là. John Café de John l'Institut. Café de l'Institut. Et Wati PDG qui est là aussi, que j'ai vu. Hein. The B. Toujours là, toujours présent, toujours ici, toujours avec des photos qu'on lui envoie. Ça ne change pas. Ça va bien le Wati PDG? Ça va et toi, comment en pleine forme? Impeccable. Est-ce que tes femmes sont là? J'ai pas vu les messages arriver encore pour toi. Ah, si, si, regarde. Il y a son père pour moi. Il y a que toi pour moi. Son. Continue à balancer des messages. Wati Boss sur Skyrock. Dans un instant, on va revenir. Il y aura du live justement avec Linda Sherazade. A pas loupé le morceau Je décolle. Avec BY aussi. Avec Elio Petrodollar. Où est la Petronation? Ah. Elle est cachée, elle est sur Twitter. Il est transformé en agent dormant. Ils sortiront au moment opportun. C'est ce que je veux dire. Que va-t-il se passer en live tout à l'heure, Elio? Que je sache, il y a la talentueuse Linda Sherazade. Ah, toi tu aussi me suis sur Twitter, toi, en vrai, non? De quoi? Je me suis sur Twitter, je vois que t'es renseigné. Bah oui. Ah, ok, très bien, j'étais pas au courant. Ah. On va te faire ta carte d'adhérent. Très bien. Ensuite, il y a BY qui va faire un live aussi, c'est ça, non? Ouais. Voilà. Et je vais faire une petite surprise à la fin. Voilà, quoi. Ouais, parce que j'ai vu que tu avais envoyé un message en disant surprise ce soir. Je vais pas en dire plus, tu vois, c'est une surprise, je peux pas casser le délire, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Et bah, ne bougez pas, une grosse soirée encore. La roulette qui va tourner tout à l'heure. Vous en freestyle aussi, inscription 41759. Yeah. Et petite question pour repartir avec votre album dédicacé par toute l'équipe des Wati Boss qui sont là avec nous entre 20 et 21. Hier soir, quel est le titre que Maska nous a fait en exclu avec monsieur Abou de Beng? Non. Mais non! L'insou! Mais il a rien dit! Il a rien dit, je t'ai vu! Mais il a rien dit! C'est pas toi qui as balancé, j'ai entendu! Il a pas de micro! Il a rien dit! Bon alors, pardon! Sauf moi, j'ai dit que je savais, je connaissais la réponse. Si vous avez la réponse, le nom de ce morceau qui a été fait hier par Maska et Abou de Beng. Exact. Qui a été fait à l'occasion de la sortie de l'album, hein, le 20 octobre de Maska. Maska qui arrive le 20 octobre, donc il sera en planète rap ici dans la semaine du 10, c'est ça? Voilà. Entre temps, je rappelle que le lien de précommande des chroniques du Wati Boss volume 2 est toujours disponible sur tous nos réseaux sociaux. Allez précommander. On parle de la réalité augmentée ou pas? Il y aura la réalité augmentée. Il y a un beau clip de Charlie qui pousse la fonte, qui est très choquant. Très choquant et très chaud. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut dire bonjour comme il se doit à mon ami sûr et certain John K, s'il vous plaît? Parce que mon gars est timide. Mon gars est très très timide. Alors qu'il pourrait t'en mettre une là. Ah bah. Je vois. Tu vois, juste parce que tu m'as pas dit bonjour correctement, mais. Je veux dire, mais. Alors attends, j'ai encore mieux. Je vais non seulement saluer, mais lui souhaiter évidemment la bienvenue. Lui dire qu'il revient quand il veut. Dans l'émission, ça va bien. John K. On est de retour, bonsoir tout le monde, bonsoir Fred. En pleine forme. Ça m'a l'air. Fred, comment tu vas? Bah écoute toi. Ma foi, on fait aller. Bien, hein, qu'est-ce qui se passe pour toi là prochainement? Franchement, je suis content, le temps, ça va. Et il y a un album qui arrive. très bah oui, c'est le petit point météo de 20h15, c'est normal, 20h19. Autant faire le point sur tout, non? Et demain il fera encore beau d'ailleurs, 23 degrés l'après-midi. On l'espère. Sympa. C'est vrai. Bon bah merci d'être là en tout cas avec nous. En plus, il veut pas le dire, mais aujourd'hui il y a une exclue et il est sur ce titre. Voilà. Donc, voilà, John K, quand il vient avec le package total. Paquet total. Très bien. Météo, son, exclu. Et bon, on pourra découvrir ça dans un instant. Bougez pas, on revient juste après la pub. Yep. Comme toi, le Wati B a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est les chroniques du Wati Boss. HQ, mets sur pause deux secondes. Ah, c'est pas toi? d'où vient? Ah, c'est toi qui l'a balancé? Mais attends, arrête deux secondes, arrête deux secondes, tranquille. Tranquille. Revenons tranquillement dans l'émission. Les chroniques 20 ans de métier. Les chroniques du Wattiboss. Non, mais je disais, d'où vient ce petit piano? Cette petite mélodie. Qui est-ce qu'il faut virer? C'est ça la question. Qui est-ce qu'il faut virer? C'est qui qu'on vire? Non, on n'est pas aussi exigeant. Mais on sait, on sait. Les chroniques du Wattiboss volume 2, c'est lundi dans les bacs. Dans un instant, il y aura votre freestyle par téléphone. Et on va balancer donc un morceau qui s'appelle Tous ses faces. Tous ses faces, mais juste avant. On a des cadeaux messages. Hier, on m'a dit que t'avais besoin d'une casquette USB. C'est vrai. Et Dawala a répondu à ta demande. Là, voilà. Dawala qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui nous écoute là dans son 4x4. Et là, flambant neuf. Il est pas présent. Flambant neuf. Le Malice, on fait où? Le Malice. Ah oui, le Malice. Ah oui, c'est un moment. Qui laisse B.O.B. Laissez-nous tranquille. C'est pour ça qu'il est pas venu, c'est en fait. Ça, est pas venu. Mais regarde, il est malin, il t'a offert une casquette avec les couleurs du Mali. Oui, tu vois. Avec les couleurs du Mali. Voilà, les tech. Bravo, Dawa. Une magnifique casquette Wattibé que je vais m'empresser de mettre sur ma ganache. Exact. Sur ma ganache. Et est-ce attends, que. J'ai la tête un peu trop grosse. Excusez-moi, il faut que j'arrive. Est-ce que tu as lu le RAP spécial Wattibé qui est sorti le 2 septembre? Mais tu vas nous faire un résumé peut-être? Non, je vais pas te faire un résumé, je vais tout simplement te l'offrir. Oh bah dis donc, c'est ma soirée cadeau. Cadeau. Soirée cadeau. Soirée cadeau. Note de piano, t'es pas là pour rien. Lis-le, franchement, tu vas en apprendre beaucoup, je pense, sur Wattibé. Je crois que t'en sais pas encore assez. Il y en a qui a parlé sur toi, Fred. Ouais. Je vais pas te mentir. Regarde, c'est vrai ça. Aboutal, il a parlé sur toi, Aboutal. Non, c'est pas moi. Je vais mettre le morceau, on en parle juste après. Allez, qui nous bire le Tous ses faces? Qui nous dit un mot sur Tous ses faces? Lio voulait dire un truc, mais bon, Lio, il est pas Petro. Là. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. T'as envie de dire quelque chose? Alors, le son, c'était une petite idée de Tal aussi. C'est Tal qui est vraiment à la base. Ouais, c'est un génie déjà. De pour commencer. À la base de ce son, c'est Tal, tu vois. C'est comme un peu à la recherche du bonheur. J'ai pas pu trop bire là, on m'a coupé la parole pour à la recherche du bonheur, donc je vais le dire maintenant. Tal est un des meilleurs artistes qui existe en France. Non, c'est trop. C'est trop. Donc, je t'ai rien demandé, après. Il a pioché un peu partout. C'est lui qui a choisi même qui allait poser sur ce son, tu vois. Et là, c'est la première fois qu'il y a ce featuring, parce qu'il y a moi, il y a The Bang, il y a John Carr, tu vois. Et c'est un peu la première fois qu'il y a ce délire là, un son qui n'est pas kickage, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un son artistique, un son qui va parler à beaucoup de gens. Mon entourage, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui apprécient ce son. Et tu voulais dire? Et surtout, c'est une prod de notre DJ. DJ HQ. Non, DJ HQ à la prod, mec. Eh oui. DJ HQ. DJ HQ nous a fait. Non, en fait, il nous a étonnés, il nous a surpris. Il est arrivé. In the shadow, dans l'ombre. Il a dit, les gars, j'ai juste un petit truc. Il a dit. Et bah, t'es mal morceau, il se retrouve aux chroniques du Wattiboss. Gros titre. Ben bravo HQ. On le découvre HQ, maintenant. Bravo. DJ HQ fit le reste. Le titre. Et en passant, je fais un gros big up à Philippe et Gilbert. Les gars, sûr. Et allez, c'est parti maintenant sur Skyrock, c'est extra des chroniques. C'est parti. Du Wattiboss volume 2. Let's go. Pour tous mes gars au star, Jas, Reba, le gars Issam, Boubou, tous nos Gava. Yoshi, garde la pêche, mon ref. Oui, j'ai des erreurs à regretter. J'ai laissé passer du temps espéré. Je n'ai qu'une envie, c'est de voir mes proches m'aimer. Je ne veux pas avoir à quel manquer le respect. Je suis lessivé, excédé. Je veux pas retourner déposer des CV. Avec le temps, crois-moi, faut rien y rester. Tu me pleureras quand je serai décédé. Ouais, en face de ma classe, je constate que je m'encrasse. Je ferai de mon sang mes erreurs tôt ou tard. J'aimerais que l'allégresse m'embrasse et les gens changent, tout s'efface. On se retrouve au point de départ. On sent mal, tout nous lasse, mais je reste marre. J'ai cru que j'avais une triste histoire, mais quand t'es dedans, dur d'y croire. Bang bang. T'es la vie du star, aujourd'hui pas loin de la vie de star. Dans mon histoire, des fautes d'orthographe effacées par des autographes. J'ai toujours cru que je touchais le fond, mais je pète la forme et les choses se font. J'étais dans le fond, c'est tout ce qui est vrai. J'ai le sourire, rien ne m'effraie. Le temps passe, la terre tourne, je suis figé. J'attends mon tour, mon gars à bout, je suis à bout. Dur d'avancer les deux pieds dans la boue. Notre enfance, collège pas le coquin. Aujourd'hui, faut qu'on amasse des gars. Bang bang. Tout s'efface, tout s'efface, tout s'efface, les douleurs, les douleurs, les larmes, les larmes, les draps, les draps, tout s'efface, tout s'efface, avec le temps, avec le temps, qui passe, tout s'efface, tout s'efface, tout s'efface, les douleurs, les larmes, les larmes, les draps, tout s'efface. Bien. Seigneur, ayez pitié de moi le jour où je partirai. J'ai pas envie de ma vie à faire du carbone. Je parle au nom de tout le monde, rien de personnel. À vouloir aller trop vite, on finit par saigner. Malheureusement, le temps nous a pas. De ces clés, je suis dans le pot. J'attends de noircir mon âme. En tant que méga, apprécie mon art. Donc épargnez vos discours de tard. C'est la zik est un trou. Ouais, ouais, il est capable de ça aussi. De papier, dans des guerres de quartier. Je suis venu écrire l'histoire. Si tout s'efface, laisse-les parler. Avec le temps, le temps qui passe, qui passe. Tout s'efface, tout s'efface, tout s'efface, tout s'efface. Les douleurs, les douleurs, les larmes, les larmes, les drames, tout s'efface, tout s'efface. Avec le temps qui passe, tout s'efface, tout s'efface. Le temps passe, passe et moi j'ai l'impression de tourner en rond. Malgré ma constante évolution, pas une ride sur le visage mais la pression. Et la pression, c'est nos darons, comment s'en sortir en ce bas monde. Le temps c'est devenu de l'argent mais y'a plus le temps de dépenser cet argent. Faut que les plans agissent sur le moment, la mort en Rolex impatiente. Je ne suis qu'un homme, que Dieu me pardonne, aveuglé à la vue des sommes. Le temps effacera-t-il tous mes défauts? DJ HQ, DJ HQ. Tout s'efface, à l'instant c'est extrait des chroniques. De la science. Est-ce que tu as entendu ce morceau? J'avais le casque sur les oreilles. Perso, c'est un de mes préférés du projet. C'est vraiment une dinguerie. Il parle aux gens de 7 à 77 ans. En trip, j'ai envie de dire, tu vois. Voire même peut-être avant ou après. Je te jure. On parle aux... Voilà quoi. À l'instant, sur Skyrock, les chroniques du What You Boss volume 2, ça sort lundi dans quelques minutes du live avec Linda Sherazade, avec BY qu'on va découvrir au micro dans quelques minutes. En freestyle, bougez pas. Elio aussi pour une surprise avant 21h. Et on va accueillir Mibra, c'est ça, de Sergi? Mibra. Ouais. Ça va bien? Ça va ou pas, les gars? C'est l'heure du freestyle par téléphone avec Mibra maintenant. On t'écoute, mon gars. Yeah. Est-ce que tu es prêt? Ouais, on est là. Eh ben voilà, coup d'envoi, c'est parti, session freestyle par téléphone. Aïe. M-I-H-B-R-A. Par l'attitude. Sergi Saint-Christophe. Les chroniques du What If Boss. Bon, levez les bras, c'est un braquage. Yeah. Ok, quand le beat commence. Yeah, ok. Quand le beat commence, tout le monde demande qui se lance. Débarque avec insolence, Mibra en bout d'excellence. Devant les MC qui voudraient me voir blacklister. H24 dans nos blocs, tu vois la vague. C'est bois, lever les bras, c'est un braquage. C'est bon, respire, King Kong n'est pas sorti de sa cage. C'est juste M.I.H.B.R.A. qui vient faire un carnage. Avec des nouvelles fractures, pas que je dégomme, reste sage. Sinon, je t'enlève ta vie, cache. Après ça, tu vas disparaître comme Dora Sophie. Cache la concurrence, je la vois pas. Peut-être qu'elle joue à cache-cache. Rien à foutre des tasses, ça ce qu'il faut, c'est du cache-cache. Gauche-droite, hypercuté, crochet. En excès de vitesse, tu me suis, faudra t'accrocher. Les rappeurs donneraient tout pour avoir le flow que j'ai. Mets ta meuf dans les mags, week-end passe, c'est pour que j'ai. Quand je prends le micro, ils disent qu'il a un don, le mec. Pas là pour faire le guignol, comme Raymond Domenech. Trace et mi bras, un son 4 la classe. J'en place une à mes gars, je pose le micro et je me casse. Mi bras à l'instant, freestyle, bravo à toi. Bravo à toi, amigo. Moins d'une 30, parfait, bravo à toi. Petite dédicace à passer. Ouais, petite dédicace à Stras, Baudelaire, Voltac, PDD, Benson, Jaïk, Tekou, Naïza, Lexus, Palatili, Diplo, Mustaf, Jojo, Ilhaq, Zach, Edu Macron, mes gros. Et ouais. Twitter, c'est Mibra Kadabra, M-I-H-B-R-A-A-Dabra. Mibra Kadabra. Dédicace au poteau Dr Beris qui passe au quartier des fois. Yeah. Eh ben voilà. Du côté de Sergi, merci à toi, Mibra. Vas-y, c'est ça. Passe une bonne soirée sur Skyrock. Est-ce que maintenant tout le monde est prêt pour le live? Tout le monde est prêt. Tout le monde est juste avant. On aimerait quand même faire un récapitulatif. Les dates. déjà avec les dates, en disant que le WA débarque dans votre ville le 15 septembre à la Wati Boutique à Paris, le 17 septembre à Caen à la boutique officielle Stade Malzerbe, le 19 août à Montpellier à l'Odysseum, merci à vous, le 20 septembre à 16h à Marseille à la Wati Boutique. Le 24 septembre à 16h à Toulouse Météorite. Le 26 septembre à 17h30 à Bordeaux California Dream. Et le Et 27 septembre où ça? À 16h à Never. Et on dit aussi que le lien de préco iTunes est toujours disponible pour la précommande. Allez le précommander sur tous nos réseaux sociaux. Et je tiens aussi à dire que le clip Profiter de ma life de mon gars Masca, qui sort le 20 octobre, est disponible sur tous nos réseaux sociaux. On peut y aller. À bout. Il faut attendre 36 minutes pour avoir quelques. Tu vois, demain on commencera à 19h30. On apprend sur le temps, Demain on commencera à 19h30. Enfin, avant, tu seras hors antenne. Et dans 6 mois, ça se trouve, je serai à ta place, Fred. On sait jamais, mon gars. Qui sait Allez, sérieux, on est prêt pour le live? Non, let's attends, go. Je veux juste dire un petit truc. Vas-y, Linda, pardon. Le White Dream qui ouvre à Alger. Un gros décor, gros truc. Restaurant, hôtel, donc qui arrive très très prochainement, qui ouvre donc. Bah, il y en avait un ici en France déjà. Ouais, il y en avait un ici en France. Et il y en a toujours un en France. Ouais, toujours. Mais prochainement à Alger, donc voilà. C'est bah, c'est du lourd. Le message est oh, Black M. Il y a un dernier truc, il y a un retardataire qui vient d'arriver. Retardataire. Tu vois, tout à l'heure, tu nous demandais, c'est qui était en retard. Il a les yeux, la ponctuelle. Tu as la réponse. C'est bon, j'ai ma réponse. Mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai parce que si on veut être honnête, quand même, il faut être honnête. Depuis lundi, c'est lui qui est à l'heure tous les jours. Voilà, donc aujourd'hui on peut m'excuser, excusez-moi. J'ai couru pour arriver jusqu'à Skyrock et voilà, je suis là. Désolé, les chroniques du Wati Boss le 15 septembre dans les bacs. Mais j'arrive pile poil pour le bon moment. Il est quand même venu, franchement. Tu arrives pile poil pour le bon moment, c'est l'heure du live. Essoufflé. Je sais que tu avais envie d'entendre Linda Sherazade en live. Exactement, je voulais pas rater ça du tout. Et bah c'est maintenant. Let's go. Et puis après, il y aura BY aussi en freestyle. Yes. Et une surprise de Elio Petrodollar. Je plane toute l'année. Je n'ai pas les pieds sur terre. Rien ne peut m'arrêter comme un avion dans les airs. Et je suis loin de la réalité. Sans loi, c'est moi qui gère. Un peu spécial. Je m'allonge et je m'évade. Linda. Là où je suis, rien ne presse. Loin des médias, de la presse. Rien qui me stresse, qui m'oppresse. Tout se fait en étant à l'aise. Ici, tout le monde se comprend. Tout le monde se sourit à l'innocence d'un enfant. À l'innocence d'un enfant. Et je dis oh, oh, oh, oh, oh. Je suis dans ces gens et leurs idées folles. Qui te laissent à genoux sur. Il suffit d'un rien. On a tous le même rythme. Pas besoin d'en faire des tonnes. Pas de diplôme, tant pis. On se tend la main, on marche ensemble. Rien n'est impossible. Cette aventure, moi je veux la vivre. Et je compte imposer mon style. Vite ta vie. Viens on décolle. J'ai tout compris. Je décolle, je décolle. Le clip est dispo. Sur Sky, je décolle. Elle décolle. Je décolle, je décolle. On est vraiment dans les airs dans le clip. Je décolle. Linda, Linda Chien. J'ai envie de dire qu'on a tous décollé d'ailleurs. Lourd. Simple mais efficace. Je décolle. La criminelle. Ouais, ouais, ouais, il y a la team qui est là. Elle décolle aussi. Et tout le monde. Quelle entrée fracassante. Quelle entrée fracassante de monsieur Drahi qui vient d'arriver dans les studios entre 20h et 21h. Et est-ce que nous pouvons continuer? Est-ce qu'on peut continuer maintenant avec BY? Attention, attention, c'est BY là. Alors attention, attention. Black M, est-ce que tu veux dire un mot sur BY? BY, tu fais partie des retardataires avec Drahi ce soir. Je vais te dire, BY, c'est qui BY? On l'a découvert sur. Oui, parce qu'il nous a dit que c'est toi en fait. Ouais, j'ai découvert. Parce que moi, je me balade assez souvent sur le net. Je regarde les talents, tout ça. Et j'ai vu ses freestyles. J'ai vu la détermination du mec. J'ai vu l'envie. Et je l'ai contacté. Et suite à ça, je l'ai présenté à Dawala. Et depuis, il fait partie de l'histoire. Ça a dû te faire bizarre d'avoir Black M qui dit ouais, tiens, ce serait peut-être bien que tu viennes nous rendre une visite. Je faisais ma sieste. Et après, impossible de redormir après, non? Non, je suis trop content. Tu vois, sur le coup, j'étais trop content. Franchement, le mec, il kick. C'est pour ça que j'étais obligé de. Tu vas voir tout de suite. Et ben, on va le voir tout de suite. Et il est présent sur les chroniques du Whaty Boss volume 2 qui sort lundi. BY kick, hein. T'inquiète pas. Faut que tu kicks là parce que j'ai bire en fait. Au passage, le son de Linda, franchement, son Linda, il est très très lourd et c'est des sons que quand je suis dans les bouchons, j'écoute Sky, j'aimerais bien entendre des sons comme ça. Et voilà. Tu décolles. C'est vrai. Voilà. Merci, le message est bien passé. Bien, bravo Dinso. Allez, c'est parti maintenant. BY! BY! Yeah. Yeah. BY! BY! Le nouveau-né, hein. Il vient d'arriver. Les chroniques du Whaty Boss. Les chroniques du Whaty Boss. Yeah. 15 septembre dans les bacs. 15 septembre dans les bacs. 15 septembre dans les bacs. 15 septembre dans les bacs. 15 septembre dans les bacs. 15 septembre dans les bacs. Ok, t'es stressé, pète une clope. Je veux faire le tour du globe. J'ai choisi la musique, le rap et tout ce que ça englobe. On bosse pour être au top. Éviter le flop. Je suis pas à mes sentiments, j'ai tout en moi comme une enveloppe. J'ai gratté, gratté, gratté de minuit à 6 au clock. Je suis pas ce bandit, je n'ai pas de fusil, mais chacun de mes mots fait le bruit d'un. Clic, clic, boum, j'arrive en balle dans mon table à game. Droite à la trentaine, tu lui casses la tête. Tu peux casser en vie, tu ne perdras de game. Oh, je viens déchirer, je vais tout déchirer. Qu'importe où j'irai, ce que je ferai. J'ai tout plaqué, je dois mettre au paquet. J'ai l'arme et maladie que Messi. Les gars, c'est pas fini. La vérité, une flèche qui finit toujours dans le mille. J'ai qu'une vie et j'en ai qu'une. Je veux pas qu'on m'en donne mille. La mort me tourne autour, je vais pas vous donner mille. Je me sens comme un petit veau qu'on a balancé dans le Nil. Seul sur une île, partout c'est pareil, de Marseille à Lille. La jeunesse épanouie a fui les rôdes dans les rues de la ville. À sourire aux chétanés, à galérer Galil. Chacun fait sa vie, sur le feu on jette de l'huile. Je viens d'arriver, je les entends, mais c'est qui Will? Le temps passé on le perd à faire des choses futiles. J'ai été vrai dès le début, pototo rapper le futile. Et puis, je kick pour mes galas, bloqué dans la tête. J'arrive pas super et tu veux déjà qu'on me teste. J'arrive comme un clic clic, balle dans la tête. Je suis le best, pourquoi tu contestes? Si n'est pas rose, elle est plutôt paro. Si t'es sur le tarot, c'est que t'arrose de pute. Je parle peu, je fais mon bis. Si je m'aime pas, plutôt acheter une piste. C'est bien d'avant, toi t'as du balle dans le vent. Je suis pas derrière, je suis un devant. La vérité, c'est que ma bouche, j'ai une tête d'enfant. C'est pas de hey, fou, bande de fou. J'ai pas quitté ma team, balle d'âge, petit comme une folle platine. Moi, c'est YB, chétan pour les intimes. Faut le suivre un BY. Hein. Ah gros, lui c'est le futur. Lui. Futur. Tout simplement. BY. Là on devrait juste se barrer sans dire au revoir. Mais non, parce qu'il y a encore Lio qui passe. Oui, on a une dernière surprise. Après BY, LIO Petrodollar et un sensei maintenant. Là après lui, je pense qu'après lui, on part sans dire au revoir. C'est vrai. Donc on se dit au revoir tout de suite. D'accord, d'accord. Au revoir Fred. Au revoir. À demain. Au revoir, là ça va être chaud. Non, j'ai encore rien fait les gars. Attendez, attendez, faut pas, je vais me planter. DJ Askew, tu peux balancer la prod s'il te plaît? Allez, cadeau surprise, elle est au pétrodollar au micro. Ok, ok, ok, là ça va être gang pendant quelques instants. Yeah, ça au bien noir. Aujourd'hui, je suis en mode Super Saiyan. Yeah. Ok, ok, ok. Les chroniques du Whaty Boss, 15 Petro septembre. Dealer. Ok, ça fait 1. Pétro. Ok. Écoute un peu petit bâtard, je vais découper comme un 4K. Éparpillé vers les 4K. Et ta famille n'aura pas de pas. J'en bats les couilles du Gucci. Je suis trop sombre comme une bougie noire. Quand j'étais petit, j'étais sous shit. Les yeux rouges comme un Uchiwa. Tu veux jalouser mes compères parce que ta vie est trop amère. Prends un exemple sur ton père. En gros, va niquer ta mère. Dis pas jour aux intérêts. Dis adieu à tes sentiments. Les miens sont morts et enterrés. Je vais te laisser mourir gentiment. Pour que tes projets s'achèvent, ne dis rien à ces tarbats dans ce monde où. Dans les paquets de vin au tabac, compte pas trop sur tes poteaux. En secret, certains veulent te soustraire. L'histoire est plutôt classique, tu perds des frères pour une belle somme. Je ne prends pas les gens de haut, car on finit tous sous terre. Mais maintenant, là, peut finir au top. Mandela, Nelson, je faisais les fils des voitures quand je pouvais pas joindre les deux bouts. Et aujourd'hui, j'ai les bras longs, je peux même fermer là ces deux bouts. La famille compte sur moi, je dois ramener disque d'or noir. Je suis déter, je vais pas perdre, j'ai plus de mère et j'ai pas de père. Je suis déter, je vais pas perdre, j'ai plus de mère et j'ai pas de père. Je pourrais te rafler, mon seul objectif c'est de tout rafler. Je vais mettre vos corps dans les petits sachets. Arrêtez tout, vous êtes tous à chier. Je voulais que vous sachiez que vous êtes tous à chier. Dans l'histoire, je suis le laxatif. Si la mise déguise en ennemi, que Dieu me pardonne si le mal m'abrite. À part Dieu, personne ne m'arrête. À part Dieu, personne ne m'arrête. Dans tes steaks, tu parles que d'un mais t'as tiré sur ta cigarette. Allez, arrête, allez, arrête. Autour de moi, y'a un tas de voyous. Mi à goût de ma youth, mi à goût de ma youth. Lui, j'entends Batman, mi à goût de ma youth. Ok, le texte est thug. Et dis-toi que là, j'ai à peine la haine. J'en fais la guerre avec. Avec la classe, appelle-moi Obama Ben Laden. Parfois, je me sens comme un Mac. Y'a trop de putes dans mon espace. Et avant d'atteindre mon but, j'ai dû traverser des mauvaises passes. Oui, c'est ton boule que je mate. Et de toute façon, tu vas te laisser faire. Car j'ai plus de port que Google Maps. Plus de connexion que c'est faire. Pas sûr que c'est vos grâces parce qu'on a déjà baisé vos dames. T'aimerais prendre la place de Dawa. Tu joues les boss, mais t'es qu'un dodan. Ralito, gère les capitaux. De la street, vite les MC sous le chapiteau. Quand je rappe, t'as des douleurs comme B-War, je mets des combos. Je t'en fais voir toutes les couleurs comme un miroir au Congo. Comme T-Boire sauce combo. Prends le pouvoir comme Bongo. Petrodollar, bingo. Oh, le Petrodollar, bingo. Petro sur Skyrock. Petro sur Skyrock. Petro sur Skyrock. Petro sur Skyrock. Le Wachibé, c'est que de l'amour, ça fait plaisir. On peut faire du bruit à l'instant pour monsieur Elio Petrodollar. La Petronation, soyez prêts, le commandant est là. Bingo. Mais ça a kické ça. Voilà. Déjà hier, ça a kické ça. Déjà hier, non, Mascal. C'est relou là. Et là ce soir. Mais derrière là, t'es en train de rater des trucs à faire. Non, je rate pas, gros. Je rate pas. Je suis là, je suis le bail. On n'est pas d'accord. Je suis le bail. On est où? Par contre, Elio, un petit mot sur le morceau. Donc, la surprise qui nous a fait là en live à l'instant. C'est un truc que j'ai écrit comme ça en vrai, je comme me suis ça. Dit, il était aux toilettes, il était aux toilettes. Il avait à peine la haine. Il était aux toilettes, il a écrit un truc comme ça. Non, vraiment, vraiment, j'ai écrit ça en deux-deux et je me suis dit voilà, pourquoi pas le faire et voilà, voilà. Eh ben écoute, je pense que ça a kické, en effet, comme le disait Dry, ça a kické sale ce soir. Regardez, dans l'émission. Regardez, les messages. Ça défile. On continue avec le Whatty Boss sur Skyrock. Juste avant de se dire au revoir, on fait tourner la roulette. Yep. Skyrock t'offre le concert des deux méga stars US, Jay-Z et Stade de France. Salut Yacine de Bobigny. Allô. Ça va bien Yacine? Très bien et vous? Écoute, en pleine forme, grosse semaine avec toute l'équipe du Whatty Bay. Et toi Yacine qui vient faire tourner les toutes dernières places, c'est encore sur Skyrock hein, et demain tout au long de la journée pour Jay-Z et Beyoncé. Dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. Stop. Waouh. Quel stop Yacine de Boboche. Yacine? Oui. Et bah direction Saint-Denis, Stade de France, c'est simple de Bobigny hein, pour y aller. Hop, un coup de tramway, tu y es presque. Voilà, c'est pour toi. Deux places pour le concert, événement que tout le monde attend. C'est demain et samedi. Et toi t'as des deux places pour aller voir Jay-Z et Beyoncé. Ok, merci beaucoup. Une grosse dédicace au WTB. Et une grosse dédicace à ma chérie avec qui je vais aller au concert demain. Et bah passez un bon concert tous les deux. Je pense que ça merci va être beaucoup, très bonne soirée, bon courage, au revoir. Ciao ciao Yacine. À bout de bien, tu me regardes bizarrement à chaque fois que je fais gagner des non, places. Non, c'est que nous aussi on veut des places. Comment on fait? Et bon, on verra. tout à l'heure. Ok, merci. Bon, sinon, on aimerait faire un récapitulatif. Allons-y, avant de dire au revoir et de trouver 10 fois. Le projet sort le 15 septembre et on se retrouve à la Wati Boutique à 16h pour une séance dédicace. Le 17 septembre non, non, à non, Caen. Non, il faut le jingle entre chaque date. Voilà. Ok, Dadju. Le 15 septembre à 16h à la Wati Boutique à Paris. Le 17 septembre à Caen à la boutique officielle Stab Malzerbe. Le 19 septembre à Montpellier, à l'Odysseum. Le 20 septembre à 16h à Marseille, à la Wati Boutique. Le 24 septembre à 16h à Toulouse, au Météorite. Le 26 septembre à 17h30 à Bordeaux, California Dream. Et la dernière, voilà. Le 27 septembre à 16h à Nevers. Loupez pas les rendez-vous. Et voilà, on tient aussi à dire que le lien de Préco iTunes est disponible. C'est très important. Allez-y, allez, franchement, cliquez. Ça va nous montrer tout le soutien que vous nous portez. Et quand vous allez venir dans les séances dédicaces, comme d'habitude, un CD acheté, un t-shirt offert, il ne faut pas oublier, c'est donnant. Venez nombreux. Et je tiens aussi à dire que tout à l'heure, je me suis emporté. J'ai dit, ouais, le clip, profitez de ma life. Il sera dispo la semaine prochaine. Ouais. Mon gars Masca, déjà, vous passe le bonjour. Et on le salue aussi. Le bonjour à toute la France. Il sera dispo avec le lien iTunes aussi, la de précommande de son album Espace-temps le 20 octobre dans les bacs. Merci. Merci. Linda, ouais, on t'écoute. Un gros big up à ma team, Lindream, Elodie qui est là, qui sont venus de loin, Romain, à ma pépite, à Inès, à ma grande sœur Nawel, ma mère, et Issam, et plein de. Dédicace à tout Grenoble, Échirolle Sud, La Zup, Village 2, tous ceux qui m'écoutent, Grenoble, voilà, Orléans, SM La Capitale, on est là, tous ceux qui soutiennent, voilà, je vous kiffe, on est ensemble. Merci à vous tous, rencard demain 20h-21h pour déjà la dernière de cette semaine. Demain je vais annoncer un truc. Donc voilà. Tu seras à l'heure, Black M. Je serai à l'heure, je vais annoncer un petit truc. C'est vrai? Ouais, une petite exclue. Exclu, là. On verra demain. Moi je suis refait avec vous cette semaine. Merci beaucoup. Rendez-vous demain. Car demain juste avant 20h. Merci à toi Fred. On va retrouver Diffoul maintenant. Et toute l'équipe de la radio. Ça a kické sale. Ça a kické très sale ce soir et demain. Soyez là pour Je vais appeler pour la Sky Roulette. Je veux des places moi aussi pour Beyoncé. Mais toi t'en avais, qu'est-ce qu'il y a? On veut des places. Tu avais refusé tes places. Jay-Z Beyoncé. On veut des places. On veut des places. Prenez Fred en otage. Relâchez Fred quand il vous donne des places. Demain, ça sera plus chaud que ça n'a jamais été. Ça roule. À demain. Ciao les gars. Oui, Fredo. Ça va sinon. Ça va en forme. Très bien. Ouais, très bien. Nous. Donc l'exclu de Black M demain, Skyrock, la radio des exclus, Planète Rap aussi. C'est une surprise. Soyez là, 20h, 21h pour Planète Rap avec le Watibé. Merci Fredo. On te retrouve demain, 20h. De rien. Et à demain. Fredo, on sera là. À demain, moi aussi. Et là, c'est parti jusqu'à minuit. Radio Libre en direct avec vous tous de toute la France au 01 53 40 30 20. C'est parti avec vous, avec toute l'équipe. Coup d'envoi tout de suite. On arrive dans une minute. À toutes. Attends, il y a encore un problème. Ah. Qu'est-ce qu'il y a encore, Romano? On n'a pas démarré la soirée, qu'il y a encore un problème. Attends, il faut que j'avance des pubs, parce que là, sinon, on se tape les pubs de 20h15. Ça va faire beaucoup, plus que celle de maintenant. Ah bah là, on a une minute. Hein. Voilà, c'est parti. On est de retour dans une minute. Bon. Allez. Ah non, bah c'est pas bon. Jay-Z and Beyoncé.